Les rendez-vous de l'IRTS de Lorraine. Aujourd'hui, dans les rendez-vous de l'IRTS de Lorraine, on s'intéresse à l'ouverture internationale des formations en travail social. Nous accueillons aujourd'hui 3 étudiants. Quand vous écouterez cette émission, ils seront déjà loin. Nous avons en studio Lilian, Chloé et Lucie. Bonjour à tous les 3. Bonjour. Vous êtes bien accompagnés, en compagnie de Samia. Bonjour. Bonjour. Je vous laisse vous présenter. Alors, je suis Samia Adou, je suis responsable de formation à l'IRTS de Nancy et donc je suis responsable de la formation des éducateurs spécialisés en situation d'emploi et d'apprentissage. Et nous accueillons alors une voix qu'on a l'habitude d'entendre dans cette émission, c'est Kassem. Bonjour Kassem. Bonjour, bonjour à toutes et tous. Kassem, toujours coordinateur pour le CFA de l'IRTS de Lorraine. Alors, cette ouverture à l'international, on va peut-être déjà donner la parole à Samia pour nous expliquer, nous remettre un peu dans le contexte. Est-ce que ça fait longtemps déjà que ça existe et qu'est-ce que c'est ? Alors, en termes de temporalité, je ne vais pas vous dire de bêtises, je n'ai pas l'info précise, mais pour les éducateurs spécialisés en situation d'emploi et d'apprentissage, ça existe depuis plusieurs années. Mais il y a eu une modification, en fait, dans la possibilité qui était laissée aux étudiants en apprentissage de pouvoir maintenir leur salaire lors d'un départ en mobilité internationale. Jusqu'à il y a 2 ans, quand les étudiants partaient en mobilité internationale, leur contrat était suspendu. Ils n'avaient pas de maintien de salaire, donc ils devaient vraiment partir sur fonds propres. Depuis 2 ans, ça a été modifié. Avec l'accord de l'employeur, ils peuvent partir en gardant le bénéfice de leur salaire pendant leur départ. Donc, ça a favorisé les départs au sein de l'IRTS. Et nous, voilà, on encourage vivement ce type de projet. Et ça concerne quel type de filière de formation à l'IRTS ? Alors, ce sont toutes les filières en travail social. Ça peut être les assistants sociaux, ça peut être les éducateurs de jeunes enfants, les éducateurs spécialisés. Ce sont ces 3 filières-là qui sont concernées à l'IRTS. Alors, on va continuer le tour de table. On va donner la parole à Chloé, Lucie et Lilian. On va commencer avec Lucie pour suivre la table. Un petit mot de présentation, Lucie ? Moi, c'est Lucie et donc je suis en 2e année de formation éducatrice spécialisée à l'IRTS. Et donc moi, je fais mon apprentissage à l'association LARS dans un service d'insertion par le logement. Donc j'accompagne des adultes. Chloé, qui est aussi en 2e année. Oui, c'est bien ça. Je suis en 2e année à l'IRTS en tant qu'éducatrice spécialisée et je fais mon apprentissage dans une maison d'enfants à caractère social, à la Chaumière, ça s'appelle. Et j'accompagne des enfants de 8 ans à 12 ans. Et Lilian ? Donc moi, c'est Lilian. Je suis en seconde année d'apprenti éducateur spécialisé à l'IRTS. Donc je suis apprenti au groupe SOS Jeunesse dans le service du SAV. Donc c'est service accompagnement à la famille, à l'éducation. Je suis avec des enfants de 6 à 13 ans, tout ce qui est mesures judiciaires, éducatives. Et donc là, vous faites partie des 6 étudiants, vous me dites si je dis une bêtise, qui vont vivre cette expérience internationale. Vous allez partir tous les 3 au même endroit, c'est ça ? Oui, c'est bien ça. Alors dites-nous tout, faites-nous un peu rêver déjà, parce que je crois qu'il y aura un peu de soleil là-bas. Ok, alors on va partir à Moréa, c'est l'île à côté de Tahiti, en Polynésie française. Voilà, vous avez bien choisi votre lieu de stage international. Samia, pour l'expérience des 3 autres, où vont-ils atterrir ? Alors, on a 2 étudiantes qui partent à Lomé, au Togo, et une étudiante qui part au Luxembourg. Alors, comment ça se fait, ce choix de destination ? Alors, les destinations, elles sont vraiment laissées au libre choix des étudiants avec une vigilance de l'IRTS et du service de mobilité internationale quant à la sécurité en fait, des étudiants sur leur lieu d'accueil et dans le pays qui va les accueillir. Donc ça, c'est validé dans le cadre d'une commission de mobilité internationale sur présentation d'un dossier en présence des étudiants, des responsables de formation, du directeur des formations. Et une fois que ce projet-là est validé, ils ont toute la procédure qui suit et ils s'apprêtent à partir dès demain matin. On a d'ailleurs un service relations internationales qui est c'est Nadia Khalfa, une fois que nous aussi gérer cette émission, qui actuellement est au Maroc d'ailleurs, justement pour aller visiter des structures, qui est allée voir également d'autres étudiants qui sont actuellement gérés en formation dans des établissements au Maroc, sachant que la mobilité internationale ça concerne toutes les formations de niveau supérieur, c'est des accords européens, donc c'est aussi en lien avec Erasmus. Voilà, oui, on a tous vu l'auberge espagnole, hein, de Clapiche. Donc voilà, ça donne un petit résumé, mais en tout cas, voilà. C'est Tahiti, c'est le Togo, c'est le Maroc, c'est le Canada, ça a été le Brésil. On s'assure que nos étudiants vont dans des pays qu'on appelle sûrs, hein, politiquement parlant. Et ça fait des années, hein, et oui. On souhaite aussi développer ce département de relations et de mobilité internationale, en tout cas au sein de l'IRTS pour un maximum d'étudiants. En tout cas, c'est quelque chose qu'on met en avant vraiment lors des semaines d'affiliation, d'intégration, c'est-à-dire c'est un service qu'on présente. Bah pour que les jeunes puissent aussi, je dirais, apprendre tout autour du monde. Et c'est des séjours qui durent combien de temps ? Alors, nos étudiants vont partir pendant la période de stage et de 8 semaines. Mm-hmm. Dans ces 8 semaines, il y a 2 semaines de regroupement à l'IRTS qui sont intégrées. Donc, évidemment, ils vont parvenir à faire les allers-retours du Togo, de Tahiti, etc. Donc, eux, ils partent pour 10 semaines. Pour 10 semaines. Et là, c'est 6 étudiants, ça ne peut pas être plus ? Alors c'est vraiment le nombre d'étudiants, c'est les projets, il ne s'est pas du tout limité. Là, cette année, on a 6 étudiants qui ont voulu partir, 1/7 qui voulait partir au Canada, mais en termes de démarche, c'était un peu tardif, donc elle n'a pas pu mener à terme son projet. Mais vraiment, c'est au libre choix des étudiants. Lucie, Chloé, Lilian, comment vous avez fait ce choix de destination ? Alors au tout début, nous, donc on a fait une réunion du coup avec Nadia par rapport à la mobilité internationale. Moi, au départ, personnellement, je vais partir seul. Moi, j'avais cette idée de partir peut-être en Guyane ou en tout cas dans une région où on parle plutôt le français, surtout pour une histoire de 2 mois. Et j'avais mes collègues qui étaient juste à côté, dont Lucie qui ne savait pas trop si elle voulait partir et Chloé qui dira qu'elle a déjà fait quelques voyages. Et du coup, on s'est dit pourquoi pas y aller à 3. On a commencé à poser cette question-là et bien sûr que ça soit moi sur mes complications on va dire de langue donc du coup de parler français on s'était un peu arrêté là-dessus et on s'est dit allez tant qu'à faire faisons un peu le pari de vraiment partir et d'aller au plus loin qu'on pourrait ça tombe sur la Polynésie française et on a commencé à monter ce projet en tout cas sur cette base-là. Et vous allez atterrir là-bas, vous allez faire quoi là-bas ? Lucie. Alors donc on atterrit là-bas dimanche soir et on arrivera sur Moorea donc le lundi et on commencera nos stages que la semaine d'après. Mm-hmm. Et donc on sera chacun sur une structure différente, donc à Moorea, basé à Moorea, mais chacun à 3 endroits différents. Et la structure, c'est une association qui accompagne des personnes atteintes de handicap. Et donc chacun, on accompagnera des publics différents. Moi, j'accompagnerai plutôt des enfants. Chloé accompagnera plutôt des adultes. Et Lilian, ce sera plutôt des grands adolescents. Et quand vous avez commencé votre formation à l'IRTS, là vous êtes en 2e année, vous aviez déjà cet objectif ou vous avez découvert cette possibilité pendant votre formation ? Alors moi, personnellement, j'ai découvert la possibilité pendant la formation. Et c'est vrai que de base, c'était pas du tout un de mes projets. Loin de là, je me serais dit que j'allais partir pendant 2 mois et demi à l'autre bout du monde. Et c'est vrai qu'au final, quand on a fait la présentation, donc c'est une étudiante de 2e année qui nous l'a présentée, qui était partie au Maroc. Et en fait, on se dit, mais si c'est pas maintenant, ce sera quand ? Donc autant sauter sur l'occasion et foncer et vivre cette expérience à fond. Chloé ? C'est un peu la même chose ou... Pareil, j'ai découvert qu'on pouvait partir à l'étranger grâce à cette étudiante qui est venue nous présenter en fait cette possibilité. Mais dès que j'ai su ça, j'ai tout de suite su que moi je voulais partir et ne pas louper cette occasion de pouvoir faire un voyage. on comprend bien. Et Lilian alors aussi, découverte comme ça, j'avais entendu dire en tout cas qu'il y avait peut-être cette possibilité-là, mais peut-être pas pour nous. Mm-hmm. Mais c'était au moment justement où on nous a montré qu'on pouvait partir. Je me suis dit pareil, c'est la chance d'une vie, surtout qu'on a aussi cette chance d'être financé en très grande partie pour partir. Moi je me suis dit... Allez, on y va, on va au-delà un peu de nos peurs et nos a priori, et on fonce. Oui, il y a toute une phase de préparation, d'accompagnement, j'imagine, avec l'IRTS. Ça prend beaucoup de temps, ça prend beaucoup d'argent aussi, parce que même s'il y a des aides, peut-être que... Dites-nous tout, Samia. Alors, il y a effectivement toute une phase de préparation, comme le disaient les étudiants. En fin de premier semestre, la première année de formation, on a demandé à une étudiante qui venait de rentrer du Maroc, Julie, qui était partie en formation pratique complémentaire au Maroc, de venir présenter son retour d'expérience aux étudiants, à tous les étudiants de première année. Donc, elle est venue avec son petit PowerPoint, de manière... très naturelle et très objective, c'est-à-dire qu'elle leur a fait part de ce que ça lui avait apporté sur le plan humain, sur le plan de la formation, mais également des difficultés qu'elle avait pu rencontrer, parce que Julie, elle était partie seule dans un pays dans lequel elle ne maîtrisait pas la langue, donc elle a eu énormément d'apports, mais aussi quelques obstacles qu'elle a dû surmonter. Donc voilà, elle est partie, elle leur a présenté tout ça de manière très objective. On avait également convié Aurélie Hupsch, qui est la secrétaire du CFA, et Jérémy Amiot, qui est en charge de tout ce qui est comptabilité et relations avec les OPCO, pour expliquer aux étudiants sur le plan financier de quelle manière ça pouvait se monter, ce à quoi ils avaient droit. Donc là, par exemple, leurs frais de transport, leurs billets d'avion sont remboursés aux frais réels. Je pense que c'est aussi ce qui a penché dans la balance pour partir à Tahiti. Et puis Nadia Kalfa, qui est venue continuer à expliquer un peu aux étudiants la manière dont ça allait se passer. Et alors c'était très sympa, parce que sur cette présentation-là, je vois encore Lilian, Chloé et Lucie qui viennent au moment de la pause et qui viennent vers moi en disant « Bon, ben, on va partir ensemble, on va partir tous les trois. » Voilà, c'était pas prévu, mais voilà, ça s'est fait comme ça. Et tout s'est enchaîné très très vite. Hein. Ils ont très rapidement commencé à démarcher des structures, des associations, etc. Ils ont rapidement trouvé l'association qui allait les accueillir. Et ils ont fait tout ce qu'ils avaient à faire pour pouvoir mener à bien ce projet-là. Ce qui fait que quand ils sont passés en commission de mobilité internationale, bon bah c'était ficelé et puis voilà, leur dossier a été rapidement validé. Alors sur le plan financier, il y a quand même des enjeux particuliers, c'est-à-dire qu'il y a des remboursements qui sont effectués effectivement en ce qui concerne les billets d'avion, en ce qui concerne les frais de bouche, d'hébergement, etc. Mais tous ces frais-là doivent être avancés par les Bien étudiants. Sûr, oui. Donc là, ils ont payé leurs billets d'avion, ils ont avancé leurs frais d'hébergement, enfin voilà, ils ont tout avancé. Donc c'est quand même un projet qui se réfléchit, qui se construit, et effectivement, ils auront le remboursement par la suite. Dans le témoignage que vous aviez pu découvrir, donc de Julie qui avait vécu ça, qu'est-ce qui vous avait marqué dans son témoignage, la première chose qui vous avait fait tilt ? Le partage culturel. Ouais. C'est vraiment le témoignage de l'expérience et l'enrichissement humain. C'est vraiment le côté découvrir une autre culture et le fait de pas venir en terrain conquis. C'est vraiment de venir presque à zéro pour tout découvrir et la chance de partager, que ça soit du pays vers nous, mais aussi de nous vers les habitants. Il y a quand même des craintes, des appréhensions d'aller dans un pays qu'on ne connaît pas, même si au niveau de la langue, déjà, ça permettra déjà de faciliter les échanges. Mais est-ce qu'il y a quand même quelques petites questions qui viennent ? Moi, je sais que j'avais quand même une grosse peur, c'était d'être seule. Et c'est pour ça que, de base, j'avais pas du tout prévu de partir. Et le fait de partir à trois, c'est déjà hyper rassurant, parce qu'on sait que là-bas, on va être loin de notre famille, on va être loin de nos proches. Avec le décalage horaire, on pourra pas forcément se parler régulièrement. Donc ça, c'était une grosse frayeur, mais on en a beaucoup parlé. Et c'est vrai de se dire que on va pouvoir compter les uns sur les autres et se soutenir quand il y en aura un qui aura un petit coup de mou ou autre. C'est rassurant, mais se retrouver à l'autre bout du monde, c'est un peu effrayant. Alors vous reviendrez peut-être dans les studios pour nous raconter ce que vous avez vécu sur place, mais pendant que vous serez là-bas, il y a aussi un accompagnement de l'IRTS, vous les suivez, qu'est-ce qui se passe ? Oui, alors nous on s'est mis en lien, déjà on a déjà fait première visio avec Charline François, qui est co-responsable de la formation, qui est aussi référente de parcours de certains étudiants. On s'est mis en lien avec les structures d'accueil, les responsables, et puis on va faire régulièrement en fait des visios avec les étudiants, avec les structures qui les accueillent, tout au long de leur présence là-bas, et puis à la fin, une semaine avant leur retour, pour faire un peu un bilan. Puis nos étudiants ont aussi eu la bonne idée de créer un compte Instagram pour qu'on puisse les suivre en fait, et puis suivre leurs aventures tout au long de leur parcours. Donc on va les suivre aussi via ce biais-là. Et tous les auditeurs peuvent aussi vous suivre, hein. Ça peut aussi Absolument donner, créer des vocations. Donc au retour, après, comment ça va se passer ? Alors au retour, ils vont rentrer début janvier, donc ils vont avoir froid. Le choc risque d'être assez violent. Hein. Parce que c'est pas le tout de faire les malins et de rentrer tout bronzé. Hein, parce que Lilian nous a dit qu'il allait venir à l'IRTS en short et en tongs. J'attends de voir, on vous enverra la photo si c'est le cas. Tiens parole. Et ils vont reprendre leurs cours, parce que pendant leurs 10 semaines d'absence, il y a quand même des regroupements à l'IRTS, il y a quand même du travail à effectuer. C'est pas que des vacances, c'est pas que de la découverte. Ils ont des dossiers à élaborer, des modules à valider, donc il va falloir quand même beaucoup, beaucoup bosser pendant cette période-là. Et puis, au retour, à eux de prendre le relais, ils vont aussi avoir la charge de venir fin janvier voir nos étudiants de première année pour leur présenter leur retour d'expérience, comme l'a fait Julie, et leur donner, qui sait, peut-être envie aussi de partir découvrir le monde à leur tour. Exactement, donc, ils deviendront des ambassadeurs de la mobilité internationale. Et même avant fin janvier, on a, enfin, moi, je fais un peu de promo, hein. on a nos portes ouvertes qui se tiendront donc mi-janvier, donc ils seront normalement déjà rentrés. Donc pourquoi pas là aussi, je dirais, aux futurs candidats déjà de faire pas. En tout cas, de partager leur parcours. En tout cas, s'ils le veulent bien, on ne force pas, hein, mais vous serez les bienvenus. Bien, bien entendu, je dirais, pour ceux qui souhaitent effectivement s'inscrire dans une formation de travail social, leur parler de votre expérience sera très intéressant. J'imagine qu'ils auront quelques photos qui seront assez vendeurs pour les étudiants de première année. Vous avez déjà des attentes sur ce que vous allez vivre sur place. Qu'est-ce qui fera que ce voyage sera une réussite pour vous ? Bah, c'est plutôt l'échange en fait qu'on va avoir avec l'association. Donc déjà c'est dans le champ du handicap et personnellement, enfin aucun de nous trois a déjà travaillé dans le handicap. Donc premièrement c'est découvrir ce champ-là dans le travail social. Et après c'est vraiment pouvoir échanger et apprendre une nouvelle culture, voir comment ils fonctionnent là-bas parce que c'est des travailleurs sociaux et puis vraiment échanger nos pratiques. Qu'ils nous apprennent des choses et que nous, on puisse aussi leur apporter certaines choses. Lilian, aussi, peut-être une impression ou pareil ? Bon, non, c'est vraiment exact, c'est exactement ça. C'est voilà, aussi le côté vraiment y aller, s'attendre à rien et en même temps pouvoir en fait rester ouvert à absolument tout. C'est, en tout cas, je pense qu'on part à peu près là-dessus, quoi, tous les trois. Se laisser porter par l'expérience ? Exactement, oui, c'est ça. Eh bien, bon voyage. Là, vous y êtes au moment de la diffusion de cette émission. On vous souhaite plein de choses. Ça va passer très vite. C'est 8 semaines. Des prochains rendez-vous, Kassem, pour l'IRTS, peut-être. Les portes ouvertes, ce sera C'est mi-janvier. Alors, j'ai pas la date en tête, mais en tout cas, c'est mi-janvier. On reviendra, en tout cas, lors d'une prochaine émission pour donner les dates précises. En tout cas, c'est un samedi, ça, c'est certain. C'est de 9h à 16h en général, 9h, 17h même. Et on a également donc, ce qu'on appelle les journées de la professionnalisation, donc là où on a les employeurs qui viennent également à l'IRTS présenter leur structure, présenter pourquoi pas aussi les offres d'apprentissage. Là, pour le coup, on est plutôt sur la troisième semaine de mars. Mais je vous redonnerai les dates lors d'une prochaine émission. Oui, on aura l'occasion d'en reparler, bien sûr. Samia, peut-être un dernier mot. Qu'est-ce que vous leur souhaitez à ce voyage ? Je pense qu'ils ont déjà tout. Très sincèrement là pour passer une super formation pratique complémentaire. Je pense qu'ils ont compris en fait l'essence même du travailleur social, de l'éducateur spécialisé, c'est d'être capable de s'adapter, d'être ouvert à l'autre, d'être ouvert à la découverte, aux autres cultures. J'ai aucun doute qu'ils reviendront pleinement enrichis de cette expérience-là, qu'ils sauront eux aussi apporter des choses aux structures qui vont les accueillir, parce que pour que ce soit réussi, c'est comme leur formation, il faut vraiment que ce soit un enrichissement mutuel. Voilà. Je suis très très contente pour eux, un peu jalouse, je ne vous le cache pas, j'aurais aimé être à leur place. Non, je suis vraiment ravie qu'ils aient pu mettre à profit cette expérience-là, je suis contente qu'on ait pu impulser ça en leur proposant et leur présentant justement la mobilité internationale. Et puis s'ils peuvent nous donner leur compte Instagram pour qu'un maximum de personnes puissent suivre leurs aventures. Alors le compte Instagram c'est 2-Nancy-A-Moréa. Eh bien, on mettra l'adresse sur le site de la radio également. Merci à vous tous. Merci. Et à bientôt. Rendez-vous en 2026 alors. Oui.